Comment diriez-vous « je vous aurais attendu et je serais allé là-bas avec vous » ? Je vous aurais attendu. Ich hätte. Ich hätte. Oui. Ich hätte. Auf Sie. Attendu. Gewartet. C'est ça. Ich hätte auf Sie gewartet. Et je serais allé là-bas avec vous. Und ich. Je serais allé. Hätte. Attention aux verbes de mouvement pour lesquels on plonge dans le passé à l'aide du verbe être. Und ich bin. Comment diriez-vous « je serais allé » ? Vous êtes désormais sur le plongeoir « être » et « être » est au conditionnel comme dans « cela serait possible ». Comment diriez-vous « cela serait possible » ? Es wäre möglich ? Oui, es wäre möglich. Et pour dire « je serais », donc avec « ich », on emploie la même forme « wäre » W-A-Umlaut-R-E « ich wäre ». Et donc, je serai allé là-bas avec vous, se dira ich wäre avec vous, ich wäre mit ihnen, là-bas, dort, dorthin. Il y a bien un mouvement, celui d'aller là-bas. Dorthin gegangen. Bien, ich wäre mit ihnen dorthin gegangen. Ich hätte auf sie gewartet und ich wäre mit ihnen dorthin gegangen. Serait se dit wäre. Comment diriez-vous il serait venu avec nous? Er wäre. Oui, er wäre. Wäre. Er wäre mit uns mitgekommen. Er wäre mit uns mitgekommen. Oui, er wäre mit uns mitgekommen. Comment diriez-vous j'ai attendu? Ich habe. C'est ça. Et après « habe », vous plongez dans le passé. Gewarten. Gewartet. Gewartet. Bien. Ich habe gewartet. C'est « j'ai attendu ». Et « je vous ai attendu » se dira. En allemand, c'est « j'ai attendu sur vous ». Ich. Ich habe auf Sie gewartet. Ich habe auf Sie gewartet. Et « il m'a attendu ». Er hat auf mich gewartet. Bien, er hat auf mich gewartet. Combien de temps avez-vous attendu? Wie lange haben Sie gewartet? Wie lange haben Sie gewartet? Oui,